Section 4 de « La grammaire de Mademoiselle Lily » par Jean Massé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. 4. Le nom. Nomme-moi ce que je vais te montrer. Une table, une chaise, un verre, une carafe, un couteau. Très bien. Comment appelles-tu ce monsieur qui est dans ce portrait? Papa. Et cette dame que voilà? Maman. Tu connais maintenant le nom. Les mots qui servent à nommer tout ce que l'on voit sont des noms. Papa et maman dans ta phrase sont des noms. Journée est un nom aussi. Et pourtant, une journée, cela ne se voit pas. Tu n'en sais pas moins ce que le mot veut dire, aussi bien que si cela se voyait. C'est ce qui fait la grande division des noms. Les noms de ce qui se voit et les noms de ce qui ne se voit pas. Trouve-moi des noms de ce qui ne se voit pas. Mademoiselle Lily trouve tout de suite « Plaisir, chagrin, gourmandise, colère, dimanche. » Il lui vient tant de noms qu'on est obligé de l'arrêter. On lui apprend qu'il y a aussi des noms propres, appartenant à un seul objet, et des noms communs, qui sont communs à plusieurs. Lily est un nom propre. C'est la propriété de Mademoiselle Lily. Papa est un nom commun. Il est commun à tous les papas. Ces choses-là ne sont pas bien difficiles à apprendre, s'écrie Mademoiselle Lily en battant des mains. Fin de la section 4, enregistrée par Ezoie, en Belgique, en mars 2021.